Que voulez-vous ? L'enfant me tient en sa puissance. J'ai fini par ne plus aimer que l'innocence. Tous les hommes sont cuivre et plomb. L'enfance est or. J'adore Astyanax et je gourmande Hector. Es-tu sûr d'avoir fait ton devoir envers Troie ? Mon ciel est un azur qui par instant foudroie. Bonté, fureur, c'est là mon flux et mon reflux. Et je ne suis borné d'aucun côté, pas plus quand ma bouche sourit que lorsque ma voix gronde. Je me sens plein d'une âme étoilée et profonde. Mon cœur est sans frontières, et je n'ai pas d'endroit où finissent l'amour des petits, et le droit des faibles, et l'appui qu'on doit aux misérables. Si c'est un mal, il faut me mettre aux incurables. Je ne vois pas qu'allant du ciel au genre humain, un rayon de soleil s'arrête à mi-chemin. La modération du vrai m'est inconnue. Je veux le rire franc, je veux l'étoile nue. Je suis vieux, vous passez, et moi, triste ou content, j'ai la paternité du siècle sur l'instant. Trouvez-moi quelque chose, et quoi que ce puisse être d'extrême, appartenant à mon emploi d'ancêtre, blâme aux uns ou secoureux aux autres, je le fais.